Alors, cette dernière question qui finalement va vous permettre de faire la liaison avec le mouvement Égalité et Réconciliation et vous permettra effectivement de développer de manière très académique vos objectifs et vos orientations. Donc, je cite la question. Cette série des trois dernières questions donc, que je viens de poser est signée Raphaël Gutiérrez. Donc, et je lis donc la dernière partie de cette question qui vous permettra de faire donc cet exposé sur égalité et réconciliation. Alors, votre association, Égalité et Réconciliation, va passer du statut d'association à parti politique. Quelles sont les grandes orientations de ce parti et que comptez-vous apporter à tous ces résistants au nouvel ordre mondial qui n'ont plus aucune confiance en la politique et aux élections en France? Et on boucle la boucle comme ça finalement. Alors déjà, je vous ai répondu. Moi, je ne crois absolument pas, si ER devient un parti politique, on y réfléchit en ce moment, on y réfléchit, hein, on ne l'a pas encore fait, mais ce n'est pas du tout pour se dire qu'on va prendre des points aux élections jusqu'à prendre le pouvoir en ayant 51% un jour. Je ne crois pas du tout, moi, à la prise du pouvoir par les urnes. Je pense que si les élections permettaient à la démocratie de triompher, elles auraient déjà été annulées, et d'ailleurs, on peut admettre qu'elles ont été annulées en douce, hein, déjà, qu'on les a stérilisées complètement. Mais je crois par contre que le fait d'être un parti politique peut nous permettre, dans une certaine mesure, d'être financé par le système pour critiquer le système. Parce qu'il faut, pour ceux, les gens ne connaissent pas très bien la mécanique politique, mais il faut savoir que quand vous présentez des candidats à une élection et que vous faites par exemple 1%, 2%, 3%, vous avez des subventions d'État. C'est-à-dire que nous, on a un gros problème de mouvement citoyen honnête, c'est que nous n'avons pas de sponsors. Ou si nous en avons très peu et très peu d'argent. Et nous avons un problème de financement. Et quand nous menons des batailles politiques, le rêve pour nous, ce serait que ces batailles politiques soient financées par l'État. Or, la situation comment dirais-je, de la tartufferie politique française fait qu'effectivement, on peut, quand on est un parti politique et qu'on présente des candidats pour critiquer la politique générale, on peut, si on fait un certain pourcentage qui peut être très faible à certaines élections, effectivement, être remboursé ou financé par l'État, ce qui est assez agréable et assez ironique. Il faut savoir que si nous avions fait plus de 3% aux élections européennes, nos frais nous auraient été remboursés, alors que là, ça nous a coûté 300 000 euros. Voyez donc, si nous voulons être un parti politique, ce n'est pas pour prendre le pouvoir par les urnes, nous n'y croyons pas, mais c'est pour pouvoir essayer de trouver un financement politique à notre pratique politique qui ne nous oblige pas à aller chercher de l'argent occulte ailleurs, vous voyez? Donc ça c'est une manière de maintenir notre indépendance politique, d'une certaine manière. Hein. Deuxièmement, ce que nous prétendons faire de l'égalité et réconciliation, c'est de la formation et de la pédagogie, et moi je prétends produire une synthèse qui produit, je dirais, une idéologie commune à tous les résistants, d'où qu'ils viennent. Cette idéologie s'appelle gauche du travail et droite des valeurs pour une réconciliation nationale. Et je prétends qu'avec cette idéologie gauche du travail et droite des valeurs, nous pouvons faire travailler ensemble tous les résistants à cet empire mondialiste. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ces résistants à l'empire mondialiste, ça s'écrit sur un cercle. C'est-à-dire que nous avons un noyau dur qui est l'empire et des gens qui s'opposent tout autour, qui décrit une circonférence, à cet empire. Mais parfois, ils sont autant opposés les uns aux autres qu'à l'empire lui-même. Et l'empire continue à régner en étant très minoritaire quantitativement, parce qu'en fait, il a face à lui une opposition totalement divisée. Et cette opposition est divisée car elle n'a pas de doctrine de synthèse commune. Voyez? Et moi, j'essaie de produire, et j'ai essayé de le faire d'ailleurs au Front National à un moment donné, une doctrine de synthèse qui permet à des laïcs patriotes, à des musulmans, à des anciens marxistes de travailler la main dans la main. Et cette doctrine à laquelle je travaille à l'intérieur d'égalité et réconciliation s'appelle gauche du travail, droite des valeurs pour une réconciliation nationale. Hein. On a des slogans qui sont nationalistes de tous les pays, unissez-vous. On a des slogans qui sont des régions fortes pour une France forte, qui permettent de dépasser en général les apories identitaires, les apories internationalistes. Et nous essayons de montrer notamment les contradictions de ceux qui prétendent lutter comme nous contre le mondialisme et qui en fait luttent avec une main et servent le mondialisme de l'autre, notamment l'extrême gauche mondialiste du NPA qui prétend défendre les acquis sociaux des travailleurs français détruits par le mondialisme marchand dont l'UE est le relais et qui en même temps sont pour la régularisation intégrale des sans-papiers, qui travaillent à la destruction de ces acquis et qui travaillent au mondialisme. Puisque effectivement, le mondialisme, comme l'a très bien dit Attali, veut comment dirais-je, le nomadisme intégral, c'est-à-dire la libre circulation totale des capitaux, des marchandises et des êtres humains en fonction des besoins du marché. Alors le dernier verrou à faire sauter aujourd'hui, c'est celui des êtres humains, parce qu'il y a encore des frontières et, comment dirais-je, des politiques d'État sur l'immigration. Et on voit bien que l'extrême gauche mondialiste sert au mieux d'idiot utile, au pire de collabo, pour faire sauter ce troisième verrou, qui est le seul verrou qui tient encore, à l'hégémonie totale du mondialisme, c'est-à-dire libre circulation des capitaux, c'est déjà fait, libre circulation totale des marchandises, c'est déjà fait, il ne reste plus que la libre circulation totale des individus, des travailleurs, et ça, malheureusement, ce sale travail est fait par les mondialistes d'extrême gauche, et notamment le NPA. Et je crois que ce n'est pas pour rien que le petit Besancenot est invité chez Michel Drucker et flatté par Sarkozy ou Attali, parce qu'il donne un alibi moral et humanitaire à cette volonté de l'Empire, qui est que nous soyons tous des zilotes, que nous soyons tous des nomades, c'est-à-dire que nous soyons corvéables par le monde marchand et le monde financier, non seulement dans le temps, par la dérégulation et la déréglementation totale des acquis sociaux sur le travail et les heures de travail et le dimanche, etc., mais aussi dans l'espace, c'est-à-dire qu'on nous envoie travailler là où on a besoin de nous et qu'on aille chercher les travailleurs là où on en a besoin, c'est-à-dire les délocalisations et le nomadisme intégral, c'est-à-dire... vous travaillez là où on vous dit de travailler, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de pays, et il faut détruire pour ça tous les enracinements et toutes les frontières et toutes les nations. Et malheureusement, les gens qui font ce sale boulot aujourd'hui au service de l'empire mondialiste financier marchand, c'est l'extrême gauche altermondialiste sans papieriste. Alors la base le fait sans doute naïvement, mais leurs élites le font sciemment, et ça je connais suffisamment bien Krivine et la clique trotskiste pour savoir que ces mondialistes-là travaillent la main dans la main avec l'Empire. Il suffit pour le vérifier de se poser la question de savoir comment le NPA a financé ces 7 listes aux européennes, sachant que chaque liste vaut 300 000 euros, minimum, hein, archi-minimum. Ce ne sont pas les militants du NPA, petits lycéens et petits étudiants, qui sont une poignée et quelques centaines, par leur cotisation, qui ont pu permettre à ces 7 listes d'exister. Donc posez-vous la question, d'où vient l'argent? Et vous verrez des grandes banques financières internationales et mondialistes apparaissent dans les organigrammes, et on comprend pas très bien pourquoi de grandes banques d'affaires et de grandes banques financières internationales qui ont pignon sur rue depuis 2 siècles parfois, financeraient un petit mouvement anticapitaliste révolutionnaire. Et là, pour ceux qui ont envie de se dessiller un peu les yeux, qu'ils lisent l'excellent ouvrage de Solzhenitsyn, 2 siècles ensemble, ils verront que Solzhenitsyn a fait ce même travail critique sur les liens entre les révolutionnaires bolcheviques et les banques américaines, hein, à l'époque. Voilà, c'est toujours la même manip, les mêmes alliances et les mêmes enjeux et les mêmes stratégies et les mêmes résultats.